L'actualité à Nancy et ailleurs. Une journée de découverte de la Joëlette est organisée aux étangs de Messin. Ce sera le 3 avril, un événement organisé par le GESAL 54. Cédric Thiel, bonjour. Bonjour. Déjà, c'est quoi une Joëlette ? Une Joëlette, c'est un fauteuil roulant tout terrain que l'on peut utiliser sur des terrains escarpés, dans des endroits dans lesquels on ne peut pas accéder en fauteuil roulant classique. On va y revenir, mais déjà, on visualise un tout petit peu. Et donc, c'est organisé par le GESAL 54. Là aussi, on peut expliquer c'est quoi le GESAL 54 ? Alors, le GESAL 54, c'est un groupement d'employeurs qui met à disposition des animateurs et des éducateurs sportifs pour soit le périscolaire, des écoles, des clubs, des maisons de retraite pour faire du sport adapté, tout un tas d'activités variées. Et vous, votre rôle, donc, c'est animateur ? En fait, je suis au Krebs de Nancy, je suis passé un BPJEP, activité pour tous. Donc je suis en stagiaire au GESAL 54, c'est ma structure d'alternance. Donc moi j'organise pour mon bilan de fin d'année ce projet avec ma structure d'alternance qui est le GESAL 54. Donc ça c'est mon projet, cette journée découverte, parce que le GESAL 54 a 4 Joëlettes à disposition qu'ils ont du mal à faire connaître depuis quelques années. Donc moi mon but c'est de faire connaître vraiment ce fauteuil. C'est assez méconnu encore ces Joëlettes, c'est un peu plus connu dans d'autres départements, la Meurthe-et-Moselle pas trop encore aujourd'hui. Non, c'est vrai qu'on voit plus ça dans les Vosges, bon, étant donné que c'est quand même un département assez sauvage, nature, donc c'est plus approprié à l'utilisation. Mais c'est vrai qu'en Meurthe-et-Moselle, on voit rarement ce genre de fauteuil. Donc vraiment, c'est mon projet, c'est de vraiment de faire connaître dans toutes les structures où il y a des personnes handicapées ce fauteuil. Alors dites-nous, c'est quoi justement le plus de ces fauteuils-là ? Bah le plus, c'est moi j'ai été aide-soignant pendant une quinzaine d'années. Quand j'ai vu ces fauteuils, j'ai vraiment pensé à plein de résidents auxquels je m'occupais, à qui ça aurait été très très bénéfique. Donc ça permet d'emmener des résidents qui sont cantonnés à certains endroits. Je pense on emmenait toujours à la Plastane ou des endroits un peu en ville. Là on pourrait accéder à des endroits nature, forêt, donner du bien-être, donner un peu de partage. On puisse rencontrer d'autres personnes dans d'autres endroits. C'est vraiment un moment de partage et de bien-être qu'on peut apporter aux résidents. Pour revisualiser un peu plus ce qu'est une Joëlette, donc c'est un fauteuil roulant mais avec des grosses roues. C'est adapté à des terrains plus escarpés. Voilà, il y a juste une roue. Une seule roue qui est en dessous du fauteuil avec un amortisseur. Il y a une personne devant qui tracte, une personne derrière qui pousse avec des harnais. Donc c'est tout en sécurité avec le résident bien installé. Et du coup, on peut accéder à... J'ai moi-même testé, je me suis moi-même assis dessus. On s'est entraîné un peu entre nous et on a réussi à monter des escaliers. On a réussi à passer dans des endroits hyper escarpés. Donc on va pas faire ça avec les résidents. Mais c'est pour dire que tout en étant en confort, on peut accéder à des endroits impossibles en fauteuil normal. Voilà, la sécurité est totalement assurée. Et la sécurité est assurée. Ouais. Et c'est assez méconnu aujourd'hui, alors que beaucoup de personnes qui sont en situation de handicap pourraient bénéficier de ce type de déplacement et de loisirs surtout. Voilà, c'est ça. Alors j'ai contacté l'ARS, j'ai contacté plein de structures, plein d'institutions en rapport au handicap. Alors ils ont tous salué le projet et ils ont tous souligné, c'est vrai qu'en Meurthe-et-Moselle c'était pas très très connu, donc ils m'ont tous donné un coup de boost pour faire connaître par rapport à ce qu'ils pouvaient faire eux pour faire connaître cette activité. Et vraiment c'est une activité qui gagne à être connue pour vraiment ça peut vraiment rendre du bonheur à plein plein de monde. D'où cette journée de découverte le 3 avril. Donc ça va se passer aux étangs de Messin. Qu'est-ce qui va se passer sur place, parce qu'il y aura pas que de la Joëlette, je crois. Voilà, donc en partenariat avec la base nautique de Messin, donc avec son directeur, on a réussi à avoir le jeudi 3 avril. Donc il y aura plusieurs activités pour des personnes handicapées. Donc c'est du sport adapté, sport handisport. On a de la boccia, on aura du jeu de quilles, on aura du basket adapté pour les personnes handicapées, on aura du soft arc, tout un tas d'activités pour faire patienter les résidents qui veulent venir découvrir et puis ou juste des résidents veulent juste venir avec des professionnels de la santé, passer une journée conviviale avec nous, faire des activités et être dans le partage, tout le monde est bienvenu. On accueille tout le monde, on organisera un petit goûter en fin d'après-midi. Oui. Certaines structures viennent pour pique-niquer, passer un moment tous ensemble. Donc voilà, vraiment journée découverte Joëlette. Activité toute la journée pour passer un bon temps tous ensemble. Et puis voilà. Est-ce qu'il faut s'inscrire ? Comment ça se passe ? Si on veut avoir plus de renseignements, on peut vous contacter ? Comment ça se passe ? Alors, pour avoir plus de renseignements, vous pouvez me contacter sur mon numéro de téléphone. On peut le donner ? On peut le donner. Alors, 06 22 15 89 08. Mon adresse mail, c'est Cédric Thiel. CHIEL54@gmail.com, tout en minuscule, tout en attaché. Donc n'hésitez pas à envoyer un message, à envoyer un mail. Il n'y a pas besoin de réserver, c'est jeudi 3 avril. C'est toujours mieux d'envoyer un petit mail, comme ça moi par rapport à ma démarche d'études, je peux justifier un peu mes démarches et en même temps je peux quantifier le nombre de personnes qu'il y aura et je peux réguler sur la journée pour pas que tout le monde arrive en même temps si c'est possible. Mmh. Voilà, mais sinon... Tout le monde est le bienvenu. Un petit mail juste pour me prévenir, puis tout le monde est le bienvenu. On remettra bien sûr les coordonnées sur le site internet de la radio fadjet.net. Et votre formation alors ? Juste en un mot, donc c'est en alternance et ça amène à quoi après ? Alors c'est un BPJEP, donc c'est un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, oui. Activité pour tous, tout public. Donc moi c'est pour faire éducateur sportif, pour apprendre la base de à peu près tous les sports, autant à public jeune, très jeune, ou même faire du sport adapté pour des personnes seniors. Voilà, on a un panel d'activités assez variées. Voilà, ça ouvre à plein de choses possibles derrière. Oui, voilà, et c'est vrai qu'il y a énormément de possibilités derrière. On n'est pas cantonné juste avec des enfants, on peut être vraiment dans un public très riche. Et vous avez choisi un beau projet donc, pour finir vos études. Cette journée de découverte, Joëlette, on le redit, c'est le jeudi 3 avril. On met bien sûr les coordonnées sur le site internet. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée ? Pour cette journée, du soleil, beaucoup de monde, et puis des rires et de la joie, puis je veux dire du partage, du partage et du bonheur. Et bah, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Cédric. Bah, merci à vous, c'est gentil de m'avoir accueilli. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.